Is that okay? Not too loud. Salut Mickey. Au revoir. Sois sage. Astro Gilberto. Pourquoi j'ai pas les paroles en français? Tommy, che passa? Isaac. Hello. Good evening. Hello. Maki. Il est déjà bonsoir, mon frère. Thank you. là, my baby là, I need you so, I miss you so, I need you. Oh, oh, tout bas. Nice, Vitag. C'est bon.